بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous étions arrivés à المبحث السادس عشر, le 16e chapitre, qui s'intitule محرمات الصيام. Donc je vous rappelle que je résume le contenu du livre الصيام في الإسلام du Cheikh Saïd Al-Qahtani. Et je vous cache pas que ça m'a fait souffrir, je ferai plus jamais ça. Parce que le livre, je l'ai sur l'ordinateur, donc je suis obligé de prendre des notes et j'éviterai de faire ça à l'avenir. Donc, Muharramat al-Siyam, donc au départ, déjà, il explique que les choses qui sont interdites dans le jeûne, Muharramat al-Siyam, c'est-à-dire les choses qui sont strictement interdites dans le jeûne, elles sont de deux sortes. La première sorte, c'est celles qui sont spécifiques au jeûne, comme manger et boire. C'est celle qu'on a étudiée la semaine passée. Et les autres, c'est le reste des muharramat, qui sont interdites tout le temps, mais elles le sont encore plus quand quelqu'un jeûne pendant Ramadan. Donc il a cité un hadith à ce sujet, un hadith rapporté par Ibn Khuzaima, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que deux anges sont venus le chercher, ils l'ont emmené et ils lui ont montré certaines choses. Et dans un passage du hadith, il dit ثم انطلقا بي, ensuite ils sont partis avec moi, فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم, il a dit, et soudain j'ai vu des gens qui étaient accrochés بعراقيبهم, العراقي c'est le gros tendon qui est au-dessus du talon, donc il dit ils étaient accrochés par ça, مشققة أشداقهم, الأشداق c'est ça. C'est-à-dire que leur bouche, le côté de la bouche, elle était déchirée. Tassilu ashdaquhum daman. Et le sang coulait du côté de leur bouche. Qultu man ha'oula. Donc il a demandé à ceux qui l'ont emmené, qui sont ces gens? Qala ha'oula illadhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Il a dit cela sur ceux qui rompent leur jeûne avant tahillati sawmihim. C'est-à-dire avant qu'il leur soit permis de rompre leur jeûne, avant que leur jeûne soit terminé. Donc ça concerne le fait de rompre son jeûne par une des mufattirat qu'on a étudié la semaine passée de façon volontaire. Donc on avait déjà dit que celui qui commet cela a commis un péché énorme. Il doit, en plus de faire le qada, at-tawbatu al-istighfar, demander pardon à Allah et se repentir. Et s'il s'agit du jima, il doit faire, comment ça s'appelle, al-kaffara, l'expiation. Ensuite, donc pour le reste des muharramat, le shir il a choisi de parler de certaines muharramat. Donc celui qui veut plus de détails, il revient au livre en question. Et on va citer celle que le shir a citée dans son livre avec quelques points intéressants qu'il a cités là-dessus. Donc la première c'est al-kadhib, le mensonge. Et lorsqu'il a parlé du mensonge, il a précisé que le mensonge le plus grave déjà c'est celui qu'on fait sur Allah. C'est le fait de parler sur Allah ou sur sa religion sans savoir, ou de mentir volontairement sur la religion d'Allah. Et que le mensonge, c'est un des signes du munafiq. C'est une des caractéristiques du munafiq. Et ensuite, il a expliqué que dans trois situations, le mensonge est permis. La première de ces situations, c'est al-harb, la guerre, car le hadith dit al-harbu khid'a. La deuxième, c'est al-islahu bayna an-nas, quand on veut réconcilier des gens. On peut dire certaines choses qui ne sont pas forcément vraies pour recoller entre eux. Et également, al-hadithu bayna az-zawjayn. Ce que dit l'homme à sa femme ou ce que la femme dit à son homme, également on peut pencher, détourner un peu de la vérité pour éviter les problèmes. Parce que là, c'est pour une maslaha. Donc dans ces trois cas de figure. Ensuite, il a parlé de qawlu az-zur et shahadatu az-zur. Donc on avait vu le hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl fa laysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui ne délaisse pas qawla az-zur. Et on avait expliqué que az-zur c'est un mot général qui veut dire plus ou moins al-batil. Donc qawla az-zur c'est qawla al-batil. Donc c'est vrai que qawl az-zur en fait ça englobe le mensonge, ça englobe la médisance, ça englobe tout ce qui est interdit et qui relève de la parole. Et quand on parle de shahadatu az-zur, c'est quelque chose de plus précis, c'est le faux témoignage. Donc le hadith il dit, man lam yada' qawla az-zur, celui qui ne délaisse pas de, c'est comme si on pouvait traduire de dire des choses interdites. Wal 'amala bihi, et de mettre en pratique az-zur, c'est-à-dire de faire des choses interdites, Allah n'a pas besoin qu'il arrête de boire et de manger. Ensuite, il a parlé de al-riba et non pas al-ghayba. Al-riba. Al-riba qui veut dire la médisance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a expliqué le riba. Dhikruka akhaka bima yakra. C'est le fait que tu dises sur ton frère en son absence quelque chose qu'il déteste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on le dise sur lui. Donc même si c'est quelque chose de léger, même si c'est quelque chose qui en apparence ne semble pas grave, à partir du moment où lui, il n'aime pas qu'on dise ça sur lui, eh bien, tu es tombé dans le riba, qui est un grand péché, et qu'Allah a comparé dans Surat Al-Hujurat en disant au fait de manger un cadavre. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Donc ça c'est al-riba qui fait partie de kaba'ir adh-dhunub, des grands péchés. Mais al-riba, elle aussi, elle est permise dans six cas de figure. Encore une fois pour la maslaha, parce que parfois elle présente un intérêt plus grand que ce pourquoi elle est interdite. Donc ces six cas de figure, c'est at-tawallum. At-tawallum, c'est quand quelqu'un se plaint d'une injustice. Se plaint à qui? Se plaint au qadi, pas à son copain. Quand il va se plaindre à quelqu'un qui peut le sauver de cette injustice. Donc s'il va, comme un peu dans le hadith de Hind bint Udba, radiallahu anha, quand elle a dit Inna Aba Sufyan rajulun shahih, quand elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit que son mari Abu Sufyan était quelqu'un qui aimait trop l'argent et que donc il ne dépensait pas assez pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Prends ce qui suffit à toi et à tes enfants. C'est-à-dire sans lui demander permission, tu prends dans son argent. Mais ce qu'on retire ici, c'est que Hind, donc elle était, on va dire entre guillemets, victime du fait que son mari n'accomplissait pas son devoir correctement envers elle. Donc elle a eu le droit de dire Abu Sufyan, elle a eu le droit de citer son nom. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il est à la place du qadi, c'est-à-dire du gouverneur qui peut empêcher cette injustice. Ensuite, al-isti'anatu ala taghyir al-munkar, si c'est pour qu'on aide à changer le mal, c'est-à-dire quelqu'un commet un mal, comme par exemple qutta' al-turuq, les bandits de grand chemin, etc., etc. Quelqu'un y commet un mal dans la société, et donc à ce moment-là, on peut parler de son mal en citant son nom à quelqu'un qui pourrait aider à changer ce mal, soit en le conseillant ou soit par la force, ça dépend des cas de figure. Al-istifta. Al-istifta, c'est le fait de demander une fatwa, c'est-à-dire un verdict religieux. Donc là, c'est pas au qadi, mais au mufti. Le qadi et le mufti, ils ont chacun leur place. C'est quoi la différence entre le mufti et le qadi? C'est que hukmul mufti ghayru mulzim. Le jugement du mufti, il n'implique rien. C'est-à-dire le mufti, quand tu demandes une question à quelqu'un dans la religion, quand il va te répondre, à toi d'aller appliquer cette réponse. Mais sa réponse, elle ne vaut pas, c'est pas comme l'application d'une loi. Ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre dans l'islam, c'est que le mufti, par exemple, si une femme, elle vient, elle lui dit, voilà, mon mari fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Ou alors, un homme vient le voir, elle lui dit, j'ai dit, par exemple, un petit taliq, trois fois, etc. Il lui émet un cas de figure, il lui soumet un cas de figure, et le mufti, il dit, bah, c'est tout, c'est plus ta femme. Est-ce que parce que le mufti dit ça, c'est plus sa femme? Non. Le mufti, sa parole, elle n'a pas de pouvoir. Lui, il explique le jugement religieux. En fait, la parole d'une mufti, elle veut dire religieusement, c'est plus ta femme. Donc, si ce que le bonhomme a dit, c'est vrai, ben, c'est vrai que c'est plus sa femme auprès d'Allah. Mais si lui, il le dit à personne et il repart, ben, c'est tout, ça reste sa femme. Le qadi, non, le qadi, il a un pouvoir. C'est-à-dire, le qadi, il peut séparer un homme de sa femme et déclarer qu'ils ne sont plus mariés. Pour, bien sûr, pour des raisons qui sont religieuse. Par exemple, le qadi, il peut faire ce qu'on appelle al-fasr. Il peut annuler un mariage. Si par exemple une femme, elle va au qadi et elle explique avec des preuves que son mari, il la nourrit pas correctement, elle n'a pas besoin de demander le khul Elle n'a pas besoin de demander la séparation. Elle peut demander ce qu'on appelle al-fasr. Al-fasr, c'est l'annulation du mariage. Le qadi, il dit, bah, c'est tout, t'es plus sa femme. Le qadi, il a ce pouvoir. Et effectivement, quand il dit ça, c'est plus sa femme. Alors que si elle va voir le mufti, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ben, ton mari, il doit te nourrir correctement, là, il est en tort, t'es en droit de demander la séparation, mais il peut pas dire, t'es plus sa femme. Bref, ça, c'était une petite parenthèse pour qu'on comprenne, parce que justement, c'est ça qui aide à comprendre la différence entre tavallum et al-istifta, le premier et le troisième point. Ensuite, at-tahdhir, le fait de mettre en garde. Mettre en garde, c'est-à-dire mettre en garde quelqu'un, par exemple, c'est général. Mettre en garde quelqu'un, par exemple, qui veut faire du commerce avec une personne. Et il ne sait pas que cette personne, c'est un voleur, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Donc tu vas le voir et tu lui dis, attention, celui-là, c'est un voleur. Sans rajouter, c'est un boiteux, etc., etc. Ou c'est un fornicateur. Tu parles que de ce qui concerne le commerce. Et qui sauverait ton frère du fait de s'associer avec lui et de se mettre en danger. Par exemple aussi dans le mariage. Quelqu'un il vient te demander, voilà, un tel il a demandé ma fille en mariage. Toi tu sais que cette personne c'est quelqu'un de mauvais. Donc tu lui dis, comme dans le hadith de Fatima bint Qais, quand elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit que Muawiyah l'avait demandé un mariage et un autre sahabi qui s'appelait Abu Jahm. Et il a répondu, Amma Muawiyah fa su'lukun la malala. Il lui a dit, Muawiyah c'est un su'luk. Su'luk en français c'est comme quand on dit un vagabond qui n'a pas d'argent. Subhanallah, regardez Muawiyah, et après il est devenu Amir al-Mu'minin. Allah fait ce qu'il veut. Donc à ce moment-là, il était très pauvre. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et ça nous montre que quelqu'un qui est trop pauvre pour subvenir aux besoins d'une femme, bien le père, il peut dire, c'est une raison valable pour ne pas en vouloir. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a déconseillé en se basant sur ça, sur le fait qu'il n'avait pas d'argent. وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمْ فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ. Il a dit, et Abu al-Jahm, lui, il frappe les femmes. C'est-à-dire, il a dit, il a toujours le bâton posé sur son épaule. Et dans une riwaya, il a dit, فَضَرَّابٌ لِلنِّسَى. Il aime trop frapper les femmes. Et ensuite, il lui a dit, تَزَوَّجِ أُسَامَ. Je te conseille de te marier avec Oussama, le fils du fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a carrément, avec les noms, il a cité leurs défauts, carrément. Pourquoi? Pour la maslaha, une maslaha rajiha, un intérêt qui était plus grand, qui était de sauver cette femme d'un éventuel malheur. C'est le cas également dans ce qu'on appelle, par exemple, dans le hadith. Comment est-ce qu'on peut avoir des hadiths qui sont sahih et qui sont da'if, si ce n'est grâce à ce qu'on appelle al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil, c'est une science. Quand on dit ulum al-hadith, les sciences du hadith, ça contient plein de sciences, plein de disciplines. Et parmi ces disciplines, il y a une discipline qui s'appelle al-jarhu wa ta'dil, ou on peut dire aussi ilm al-rijal, c'est-à-dire la connaissance des rapporteurs de hadith. Comment on peut juger qu'un hadith il est sahih ou il est da'if, si ce n'est en connaissant les rapporteurs qui constituent la chaîne de transmission, qui sont entre eux, l'auteur, par exemple Al-Bukhari ou Abu Daoud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour les connaître, forcément, si certains d'entre eux ils sont faibles dans le hadith, ou si certains d'entre eux sont menteurs, etc., ben les savants ils ont dû le dire, ça, pour qu'on le sache. Donc c'était une médisance, il n'y a aucun doute. Dire sur quelqu'un il est da'if, c'est une médisance. Alors pourquoi ils se sont permis ça? Pour une maslaha, un intérêt qui était plus grand, qui était de sauver le hadith et de montrer quels sont les hadiths qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et quels sont les hadiths qu'on ne peut pas attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va dans le même sens le fait de mettre en garde contre les gens qui égarent les autres dans la religion. Ça rejoint le même sens. Donc si on va parler sur quelqu'un par exemple en disant c'est un hérétique ou c'est un ignorant, il raconte n'importe quoi, il égare les gens, on peut le faire si c'est vrai et si pour cette maslaha qui est de ne pas laisser les gens prendre leur religion de n'importe qui et se faire égarer dans leur religion, bien sûr dans les limites du besoin, comme vous le savez, parce que ça c'est devenu n'importe quoi. Là je suis en train d'expliquer ce que dit l'ilm. Je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe sur internet, ça c'est un autre Ça, c'est à l'ouest et ça, c'est à l'est. C'est deux choses différentes. Donc, et enfin, également, al-mujahir. Al-mujahir, c'est-à-dire celui qui fait ce qu'il fait de façon ouverte. Par exemple, il fornique, il le fait ouvertement. Il se balade avec les femmes comme si c'était ses femmes et il le dit. Donc lui, il n'y a pas de mal à le traiter de fornicateur et à parler de lui sur le fait qu'il fornique. Pourquoi ? Parce que lui-même, il ne s'en cache pas. Et enfin, at-ta'rif. Qu'est-ce que ça veut dire, at-ta'rif ? C'est que quelqu'un, par exemple, s'appelle al-a'raj. Son surnom, c'est le boiteux. Et ça ne le dérange pas qu'on l'appelle le boiteux. Donc moi, en son absence, je vais dire, ah, il y a le boiteux, il doit venir à 15 heures. Normalement, c'est une médisance de faire ça. Mais comme lui, il accepte, ça ne le dérange pas, et que c'est pour parler de lui, pour qu'on sache de qui on parle, eh bien, on a le droit. Même si le mieux, c'est d'utiliser un autre mot. Ensuite, il a parlé également de An-Namima. An-Namima, dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La yadkhulu al-jannata qattat. Le qattat, qattat, c'est Nammam, n'entrera pas au paradis. Ça, c'est dans Sahih Muslim. An-Namima, qu'est-ce que c'est ? Al-qalatu bayna an-nas. C'est le fait de colporter les paroles des gens les uns sur les autres pour semer la discorde entre eux. Donc c'est pas la calomnie. Souvent on entend les gens ils disent al-riba wa an-namima et quand ils traduisent ils disent la médisance et la calomnie. C'est pas ça. La calomnie en arabe c'est qui c'est comment on dit là. Ben, on le trouve dans le hadith quand le prophète a dit ça. Alors, ça a parlé de al-riba sallallahu alayhi wa sallam et un homme a dit mais si ce que je dis sur lui c'est vrai. Donc il a répondu In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Si ce que tu dis c'est vraiment en cette personne, alors tu as commis al-riba irtabtahu. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Et si ce n'est pas vrai, alors bahattahu, tu as commis envers lui al-buhtan. La calomnie c'est le buhtan, c'est pas le namima. Un namima c'est colporter les paroles des gens les uns sur les autres pour semer la discorde. Le cheikh ici, il a cité, donc je sais que là on sort un peu du sujet du jeûne, mais c'est des choses trop intéressantes et qui concernent le jeûneur. Il a dit que quand quelqu'un vient te rapporter une namima, c'est-à-dire il vient te dire un tel a dit ça sur toi, tu dois agir de six façons. Il dit premièrement, la yusaddaq, tu ne dois pas le croire. Pourquoi ? Parce que rien qu'en faisant un namima, il devient fasiq. Et le fasiq, tu n'es pas censé. T'es pas censé le croire. Donc, imaginez-vous à quel point c'est grave, nous on s'en rend pas compte du tout. C'est-à-dire quand t'entends quelqu'un dire quelque chose sur quelqu'un, tu dois pas le dire à l'autre. Le simple fait que tu lui dises c'est de la namima, tu deviens fasir. Et il est même pas censé te croire. Deuxièmement, il a dit yubriduhu, tu dois le détester parce qu'il est tombé dans un grand péché. Troisièmement, tu dois pas penser du mal de celui dont il t'a dit, il a dit du mal de toi. Tu dois faire comme s'il t'a rien dit. Tu dois pas penser du mal de cette personne. Ensuite, ça doit pas te pousser à espionner. C'est-à-dire, ah, il m'a dit que lui, il a dit ça sur moi, je vais quand même chercher à vérifier. Non, tu fermes cette porte, tu cherches rien du tout. C'est comme sous Udvan. Regardez dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah a dit Ya ayyuha alladhina amanu, ijtanibu kathira min adhvan, inna ba'da adhvani ithm. Ô vous qui croyez, évitez la plupart des soupçons, car une partie des soupçons est à péché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser du mal des musulmans. Et juste après, voilà tajassasu, et n'espionnez pas. Abdurrahman ibn Zayd, c'est un des grands savants du tafsir, il disait, de la troisième génération, le lien entre les deux, c'est que quand tu penses du mal d'un musulman, l'étape suivante, c'est que tu vas chercher à l'espionner pour essayer de vérifier ce que tu as pensé. Tu penses du mal, mais tu n'as pas de preuve. Donc maintenant, tu vas l'espionner pour t'assurer de ce que tu pensais. C'est pour ça qu'Allah a cité Tajassus juste après Avan. C'est un peu la même chose avec An-Namima. On vient, on te dit à tel il a dit ça, bah, l'étape d'après c'est que tu vas chercher à vérifier. Bref, le muslim, il faut comprendre que il doit être son cœur il doit être large et puis il doit être au-dessus de tout ça. Il faut pas trop s'attacher à ce que les gens ils disent sur toi. Si tu fais ça, tu vas jamais vivre et tu vas pas vivre tranquille. Et après, toi-même, tu vas tomber dans beaucoup de péchés. Tu vas tomber dans le fait de penser du mal des gens. Tu vas tomber dans l'anamime à toi-même. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? L'autre qui a dit ça sur toi, quand tu vas te retrouver avec tes amis, tu vas dire, Ouais, l'autre il m'a dit qu'à tel il a dit ça sur moi. Ben, en fait, tu es rentré dans la chaîne de la Namima. Donc il faut savoir accorder peu d'importance à ce que les gens disent. Ça va t'épargner plein de péchés. La médisance, Su'udh-Dhann, l'espionnage, la Namima, etc., etc. Et tu te dis au pire, si vraiment on a parlé sur moi, ben, si c'est vrai, à moi de me corriger. Si c'est faux, ben, je serai gagnant auprès d'Allah au jour du jugement. Mais ne peut penser de cette façon que quelqu'un qui pense à l'au-delà. C'est-à-dire, c'est le fait de penser à l'au-delà et de minimiser la valeur de cette vie-là qui va nous amener à ça. C'est pour ça que certains savants disaient le vrai zuhd, c'est le zuhd, pas dans l'argent. C'est le zuhd vis-à-vis des gens. C'est ça le vrai zuhd. Le vrai zuhd, c'est pas de te passer des beaux vêtements et de te passer de l'argent. Le vrai zuhd, c'est de te passer de ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'ils disent du bien ou qu'ils disent du mal, pour toi c'est la même chose. Et bien ça, c'est le zuhd. Mais tu n'y arrives que si tu donnes plus d'importance à l'au-delà qu'à la vie d'ici-bas. Mais si tu réfléchis comme si cette vie c'était la seule, c'est sûr que tu vas t'attacher à ce que les gens disent. Ensuite, il a parlé également de al-rishu fil mu'amalat, le fait de mentir, de tromper, de tricher dans les mu'amalat. Mu'amalat, c'est-à-dire la vente, l'achat, la location, le prêt, etc., etc. Ensuite, il a parlé également de alatul lahu, les distractions comme la musique, le chant. Quand on dit le chant ici, c'est pas le chant, il y a une partie qui est permise et une partie qui est interdite. Parce que le fait de chanter la poésie, par exemple, les sahaba eux-mêmes le faisaient. La poésie en arabe, ça se chante, il n'y a aucun doute. Donc ça, cette façon dont elle est chantée, cette façon-là, elle est permise. Parce que c'est pas exagéré. Donc la chanson, quand on dit chanson, il faut faire la différence entre ces différentes formes. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, bah, la poésie, c'est de la chanson. Effectivement, on peut appeler ça de la chanson, mais alors on dirait, bah, c'est de la chanson qui est permise. Donc le cheikh, il a parlé du fait de regarder des films pendant Ramadan, sachant que de toute façon, dans les films, il y aura toujours quelque chose qui sera interdit à un moment ou à un autre. Soit dans les propos, soit dans les femmes qui ne sont pas vêtues, etc. Le fait d'écouter de la musique pendant Ramadan, ce qui est complètement contraire à l'esprit du jeûneur, et ainsi de suite. Il a cité ce verset de la sourate Luqman qui dit: Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi li yudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa. Le verset, il parle de lahwa al-hadith, c'est-à-dire les propos futiles. Et Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, ibn Omar, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, plusieurs sahaba et plusieurs tabi'in, ils disaient que ça concerne la chanson et les instruments de musique. C'est-à-dire, lahu al-hadith de ce verset, c'est la chanson et les instruments de musique. Ensuite, il a conclu le chapitre également avec ce hadith qui dit « Laysa as-siyamu min al-akli wash-shurb » Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Jeûner, ce n'est pas s'abstenir de boire et de manger. » En fait, c'est comme s'il voulait dire « Ce n'est pas seulement » Ou alors le vrai jeûne, c'est pas seulement de s'abstenir de boire et de manger. Innama as-siyamu min al-laghwi war-rafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alayk, faltaqul inni sa'im inni sa'im. Il dit le vrai jeûne, c'est vis-à-vis de al-laghwi war-rafath. Donc al-laghwi, c'est toutes les paroles interdites ou futiles, et al-rafath, on avait dit que c'était les paroles qui tournent autour des sujets vulgaires, des sujets sexuels, etc. La grossièreté. Et si quelqu'un vient sabbaka, c'est-à-dire il s'en prend à toi oralement, alors dis-lui je jeûne. Inni sa'im. Ça c'est rapporté par Ibn Khuzaymah rahimahullah. Dans un autre hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi al-sahar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Il est certains jeûneurs qui ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif. Et il est des gens qui font le qiyam et qui n'en retirent que le fait de veiller. C'est-à-dire que, malgré tout, ils ne gagnent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'évitent pas ce qui est interdit à côté. Al-Mabhathu Sabi'a Ashar, le 17e chapitre. Adabu Siyam al-Mustahabba. Donc ça, c'est ce qu'on a dit vendredi dans la khutbah. C'est Al-Adab Al-Mustahabba, c'est-à-dire les règles de conduite qui sont recommandées aux jeûneurs. Qu'est-ce qui est bien de faire quand on quand on jeûne. Premièrement, il a parlé de as-suhur. As-suhur, ça vient du mot as-sahar, qui veut dire la fin de la nuit. Donc as-suhur, c'est le fait de manger et de boire à la fin de la nuit. Donc près de l'aube. Donc le temps du suhur, il s'étend jusqu'au fajr. Puisqu'Allah a dit dans le Coran, on l'a vu dans le verset, on l'a cité maintes et maintes fois, fakulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. C'est-à-dire que la limite pour arrêter de manger, c'est le lever du fajr. Quand le fajr apparaît, donc soit par la vision ou soit en se basant sur un calendrier, eh bien on doit arrêter de manger. Je fais une parenthèse, il se peut que certains d'entre vous ils aient lu dans certains livres des hadiths ou des affars qui expliquent que par exemple quand tu as un verre d'eau tu peux le finir ou qu'en vérité tu peux manger jusqu'au lever du soleil, etc. Tout ça c'est des choses qui existent. Il y a des hadiths, il y a des affars qui existent sur tout ça, mais c'est des choses que je vous déconseille de lire et de prendre en compte. Restez sur ce qui est connu dans le fiqh musulman depuis 1400 ans. C'est que la limite pour arrêter de manger, c'est le fajr. C'est tout. Et quand le fajr arrive, si j'ai un verre d'eau, je le pose. Et je ne vais pas non plus encore pire jusqu'au lever du soleil. Parce que parfois, on peut trouver des athars, c'est-à-dire des paroles de sahaba, des paroles de tabi'in, qui sortent de ce qu'on connaît. On les trouve dans un livre, où on va trouver un cheikh connu qui dit, voilà, bah, les athars, ils sont clairs. Le problème, c'est que ces athars, ils vont à l'encontre de ce que fait la Ummah depuis 1400 ans. Et donc ils vont à l'encontre de ce qu'on appelle Al-Ijma'. Et on va trouver que dans l'histoire de l'islam, ne se sont accrochés à ces affaires que un, deux ou trois savants. Donc le musulman, il ne doit pas suivre ça. Il doit suivre Sabilul Mu'minin, c'est-à-dire la sunna des musulmans, le chemin des musulmans qui est clair et qui est évident, connu de tous depuis toujours, notamment ce qui est dans les quatre madhahib, etc. Et les choses qui vont à droite et à gauche, et qui sont ambiguës, qui sont spéciales, même si un ou deux savants a pu le dire, on laisse de côté. Un peu comme par exemple la mas'ala, comme quoi une femme, si elle sort du lait de sa poitrine, et qu'un adulte il le boit plusieurs fois, ça devient son fils. C'est vrai qu'il y a des hadiths qui disent ça. Mais ces hadiths, ils ont été délaissés par les fuqaha. Donc si les fuqaha depuis toujours l'ont délaissé, c'est pas pour rien. Donc ce n'est pas à nous, 1400 ans après, de faire revivre ces questions qui sont des questions déjà pliées par les savants et qui sont des questions isolées, qu'on met de, normalement, qui sont à mettre de côté. Encore une fois, je vous le répète, dans la sourate An-Nisa, Allah nous a dit « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » Donc ici, il nous renvoie au prophète « وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Les hadiths, ce n'est pas la seule référence dans l'islam. Il y a le Coran, il y a les hadiths, et il y a l'ijma', la compréhension des sahaba, des tabi'in, et de leur majorité vis-à-vis des sources qui sont le Coran et la sunna. Comment est-ce qu'ils les ont compris? Eh bien, on s'attache à ça, et s'il y en a un parmi ou deux qui ont fait autre chose, on laisse cette parole. Donc, as-suhur, qui est à l'heure du sahar. Dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Inna bilalan yu'adhinu bilayl » Bilal fait l'adhan la nuit. C'est-à-dire Bilal, il faisait l'adhan, le premier adhan du fajr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum » Alors, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn ummi maktoum fasse l'adhan. Pourquoi? Parce que lui, il faisait l'adhan vraiment au moment du fajr. Donc ça prouve que la limite du suhur, c'est bel et bien le fajr. Et qu'une fois que ce fajr il est apparu, il a bien dit hatta. Hatta, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, tu peux ni manger ni boire. Dans un autre hadith également, quelqu'un a demandé à Aïcha radiallahu anha, il lui a dit, il y a deux hommes parmi les sahaba, l'un des deux précipite la rupture du jeûne et précipite la prière du Maghreb. Là, je suis dans la rupture du jeûne. Là, je me suis trompé, j'ai sauté une ligne. Donc, on reste dans le suhur. Quant au mérite du suhur, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus as-suhur » Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le suhur, c'est ce qui distingue le jeûne des musulmans du jeûne des gens du livre. Également, il dit dans un hadith, tasahharu fa inna suhura baraka. Prenez le suhur, car le suhur est une baraka. Ça, c'est les hadiths les plus authentiques. Ensuite, dans d'autres hadiths qui sont un peu moins authentiques, on va dire, on trouve d'autres mérites du suhur, comme le fait qu'Allah a dit que parmi ses serviteurs, ceux qu'il aime le plus, non, ça c'est pour le fitr, encore une fois, j'ai confondu les deux, ou plutôt qu'Allah, que les anges prient pour ceux qui prennent as-suhur, ou également que le meilleur suhur, c'est le fait de manger des dattes. Donc ça, ce sont d'autres hadiths, autres que les hadiths les plus authentiques. Ensuite également, parmi les adabs du adab siyam, ta'jil al-fitr, le fait de rompre le jeûne de façon précipitée. C'est-à-dire que dès qu'on est sûr que le maghrib est arrivé, que le soleil s'est couché, on ne tarde pas à rompre le jeûne. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La yazalu al-nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr » Les gens seront toujours dans une bonne situation tant qu'ils... C'est-à-dire c'est un signe comme quoi la umma allait dans une bonne situation tant qu'ils se précipitent de... Il s'empresse de rompre le jeûne. Encore une fois, ça, il faut le faire de façon raisonnable. Si je sais qu'à la mosquée, par exemple, on fait l'adhan, on prie tout de suite, je ne vais pas m'amuser à manger des dattes pour avoir plein de dattes dans la bouche quand je... C'est-à-dire, la sunna, il faut aussi la prendre de façon raisonnable. Si je sais qu'on va prier tout de suite, ben c'est tout, je bois un verre d'eau. Si je veux absolument manger des dattes, j'attends après salat. C'est-à-dire, le fait d'attendre après salat, ça ne contredit pas ta'jil al-fitr. Parce que ça reste quand même proche du coucher du soleil. Et Aïcha radiallahu anha, elle avait été interrogée sur deux hommes parmi les sahaba, l'un qui précipitait la rupture du jeûne et la prière du maghrib, et l'autre qui retardait les deux. Et elle a dit, qui est celui qui précipite les deux? Ils lui ont dit Abdullah ibn Mas'ud, et elle a dit radiallahu anha, hakadha fa'ala kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, c'est ainsi qu'agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il se précipitait de rompre le jeûne, et il se précipitait de prier. C'est-à-dire que salat al-maghrib, on ne la retarde pas plus comme on le fait pour les autres prières. On l'avance un petit peu, même si on laisse quand même le temps de prier deux raka'a. C'est pour ça que quand on me demande pourquoi est-ce qu'on peut faire l'adhan et faire tout de suite l'iqama quand c'est Ramadan. Non, ça c'est le contraire de la sunnah. C'est-à-dire que là, c'est comme si on va inventer des nouvelles règles et des nouvelles façons de pratiquer la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sha'a. » Il a dit « Priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, si vous le voulez. » C'est-à-dire que quand on fait l'adhan du maghrib, c'est bien de faire deux raka'a. Est-ce qu'il a dit « Illa fi Ramadan » Il n'a pas dit « Sauf pendant Ramadan ». Donc pendant Ramadan, on agit comme d'habitude. On fait l'adhan, on laisse aux gens le temps de faire deux raka'a, et après on fait l'iqama. Simplement, la différence entre le maghrib et les autres prières, c'est que ce temps entre l'adhan et l'iqama, il est un peu plus court. Il est un peu plus court, on ne laisse pas autant de temps que pour les autres prières. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est Ramadan. Que ce soit Ramadan ou pas, on laisse toujours le temps de faire deux raka'a. Il ne faut pas dire « ouais mais au bled ». Parce que les gens ils me répondent toujours ça. Ouais, mais au bled, dans ton bled, viens, on va aller voir ce qui se passe au Pakistan, on va aller voir ce qui se passe au Sénégal, tu vas trouver plein de trucs différents. Donc le bled, c'est pas une référence. Pareil pour l'Aïcha, quand je viens le soir, on fait l'Iqama, après on fait l'Adhan, l'Iqama, et on prie l'Aïcha. Moi, je fais ça, c'est parce que vraiment, là, on est dans des heures où il est trop tard. Mais normalement, Ramadan ou pas Ramadan, Tarawih ou pas Tarawih, on fait l'adhan, on laisse le temps aux gens de faire deux raka'a, on fait l'iqama, on fait salat al-isha, et après qu'est-ce qu'on fait? Rawatib. On fait ces deux raka'a, et après on fait Tarawih, normalement. Nous on raccourcit tout, parce que vraiment les heures elles sont tardives. Également, parmi les adabs, le fait de rompre le jeûne avec ce qu'on appelle ar-rutab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude. Quand il rompait son jeûne, il rompait son jeûne avec ar-rutab. Qu'est-ce qu'on appelle ar-rutab? C'est les dattes, en fait, quand on les cueille fraîches et qu'elles ne sont pas encore complètement achevées. En fait, les dattes en arabe, ça a deux noms, ar-rutab et tamr. Nous, ce qu'on mange en France, c'est tamr. parce que si on en ramène dans le temps, elle va pourrir. Mais dans sa première étape, la date, on ne l'appelle pas tamr. En arabe, on l'appelle ar-rotab. S'il ne trouvait pas ar-rotab, il mangeait at-tamr, c'est-à-dire la date sèche telle qu'on la connaît. Et s'il ne trouvait pas, il buvait de l'eau. De toute façon, le jeûneur, il rompt son jeûne avec ce qu'il veut. C'est ça qu'il faut retenir, mais que le mieux, c'est pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire ça. Donc il ne faut pas avoir mauvaise conscience si tu rompes ton jeûne avec autre chose, c'est ça que je veux dire. Quatrièmement, al-du'a. Faire dua au moment où on rompt son jeûne. On en avait déjà parlé maintes et maintes fois. Cinquièmement, taftiru sa'imin. Le fait de faire rompre son jeûne à autrui. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ghayra annahu la yanqusu min ajrihim shay'a. C'est-à-dire que celui qui fait rompre son jeûne à un jeûneur a la même récompense que ce jeûneur, sans que ça diminue la récompense de cette personne. Ensuite, il a dit également « tarkul wisal ». Ça, on ne va pas s'étendre dessus. « El wisal », ça veut dire « continuer à jeûner ». Continuer à jeûner, par exemple, jusqu'à l'Aïcha ou jusqu'au Fajr. Ou alors, carrément, en enchaînant un deuxième jour. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, mais il l'a interdit à ses compagnons. Il leur disait « lastu kahi'atikum ». Il dit « moi, je ne suis pas kahi'atikum », c'est-à-dire « je n'ai pas le même physique, le même état que vous ». Innama abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Et dis-moi, la nuit, mon Seigneur me donne à boire et à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahu a'lam. Ça ne veut pas dire la vraie nourriture concrète, parce que sinon, ça ne serait plus le wissal, il n'y aurait plus de questions. Ça veut dire qu'Allah le nourrit d'une façon ou d'une autre et qu'il était plus fort. Mais quant au reste de sa communauté, il leur a interdit. Ça s'appelle al-wissal. Ensuite, également, le fait de réciter le Coran plus que d'habitude, faire beaucoup de zikr, beaucoup de dua, beaucoup de prières surérogatoires et beaucoup de sadaqat. Et surtout la récitation du Coran et les sadaqat. Car Ibn Abbas disait, radiallahu anhuma, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ajwada an-nasi bil khayr, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Ibn Abbas disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et que le moment où il était le plus généreux, c'était pendant Ramadan. Et il a dit وَكَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ. Jibril venait le voir chaque nuit de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. الْمُدَارَسَ يُدَارِسُهُ. J'ai dit il lui faisait réviser, mais le mudarasa en fait c'est étudier quelque chose à deux. Donc ça peut être il lui enseignait, et ça peut être aussi il lui faisait réviser, répéter. Donc ça prouve que ce mois, c'est un mois axé sur la générosité et le Coran. Donc il faut essayer de... Si par exemple d'habitude on lit un hizb par jour, on essaye de lire un hizb et demi ou deux. Si d'habitude on fait deux hizb, on essaye de faire un petit peu plus. Il faut que le mois de Ramadan il se distingue par la récitation du Coran. Au point où beaucoup des tabi'in et des savants des tabi'in, ils arrêtaient tout pendant Ramadan et ils se consacraient à la récitation du Coran. Ensuite, il a parlé également de istihdar ou ni'matillah, le fait de se rendre compte du bienfait d'Allah, d'avoir vécu jusqu'à atteindre Ramadan, d'être musulman et de jeûner pendant Ramadan. Également, il a parlé de as-siwak, c'est-à-dire que le jeûne n'empêche pas de pratiquer la sunna du siwak, qui est, que veut dire le mot siwak en arabe? On avait vu ça, deux choses, soit al-oud, soit l'objet par lequel on se nettoie la bouche. Comment on dit l'objet? Si on ne dit pas siwak, on dit miswak. Ou soit al-fi'l, l'acte en lui-même. Le mot siwak, il peut vouloir dire se nettoyer la bouche, et il peut vouloir dire l'objet avec lequel on se nettoie la bouche. Donc l'objet c'est miswak, et l'acte c'est tasawuk. Et siwak, il veut dire les deux. Donc le siwak n'empêche pas, chez la majorité des ulama, le jeûne n'empêche pas de pratiquer le siwak. Ensuite, kafful jawarihi an fudul il kalam wa an-nawm wa as-sam' wa an-nazar. Se retenir de trop parler, trop écouter, trop regarder, etc., etc. Trop dormir, c'est-à-dire trop faire des choses qui peuvent être licites, mais qui peuvent t'amener qui sont licites, mais qui peuvent t'amener à des choses détestables, ou à l'interdit, ou à te détourner du Coran et du dhikr pendant ce mois. Donc ce n'est pas des choses interdites. C'est pour ça qu'il a cité ça dans les adab, pas dans les muharramat. Parce que ce n'est pas haram. Mais il vaut mieux essayer de t'en passer plus que d'habitude pour te concentrer aux bonnes choses pendant Ramadan. Enfin, il a parlé également de Tarawih, assister aux prières du Tarawih. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le, ça c'est dans le Mousnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, le hadith de Abu Dharr. Abu Dharr, il a expliqué que la nuit du 23, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est sorti, il a prié et les gens ont prié derrière lui. Il a refait la même chose deux nuits plus tard et avait plus de gens. Et il a fait ça encore deux nuits plus tard. Et la mosquée était presque pleine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nuit, il a prié un tiers de la nuit avec eux. La deuxième fois qu'il l'a fait, la moitié de la nuit. Et la troisième fois, il a dit, on a craint qu'on allait rater Al-Falah. Al-Falah, c'est un autre nom pour Al-Suhur. Il a dit, on a craint qu'on allait rater Al-Falah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, quand ils ont prié à la moitié de la nuit, et ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu continues pas ? Il leur a dit, من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui écrit qu'il a prié toute la nuit. Ça, c'est, il leur a dit ça quand ils lui ont demandé d'en rajouter. Donc c'est comme s'il voulait leur dire, là vous pouvez aller dormir et auprès d'Allah vous êtes écrit comme en prière. Donc c'est pas la peine d'en ajouter. Et également, le hadith qui est dans le Bukhari et le Muslim, c'est celui qui dit, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie la nuit pendant Ramadan, poussé par sa foi et par espoir de la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ça, on le pratique en accomplissant les prières du Tarawih. Même si c'est vrai que pour ce deuxième hadith, il est vrai aussi pour celui qui prierait chez lui tout seul. Celui qui prierait chez lui tout seul également, on peut dire de lui, قام رمضان. Mais le premier, non. Le premier, ça marche que pour Tarawih. Donc le Tarawih, ça vient du mot Tarwiha. C'est le pluriel du mot Tarwiha, qui veut dire une pause, un repos. Et la base de cette appellation, elle est venue à l'époque, si je ne me trompe pas, des Tabi'in. C'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui les a appelés Tarawih, mais les Salaf, les Sahaba ou les Tabi'in. Et ça vient de la façon dont ils accomplissaient les Tarawih. Et cette façon elle-même, elle vient du hadith de Aïcha, radiallahu anha, quand elle a décrit les prières du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan. Elle a dit, « Kana yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihin. » Elle a dit, « Il priait quatre raka'a, et ne me demande même pas comme elles étaient longues et comme elles étaient belles. » Quatre, c'est-à-dire deux et deux. Et pourquoi elle a dit quatre ? Parce qu'après, il faisait une pause. Comment on le comprend ? C'est qu'elle a dit ensuite, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا puis il repriait 4 فَلَا تَسْأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِينَ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. Elle a dit il priait 4 et 3, sachant que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam صَلَاتُ اللَّيْلِ مَثْنَا مَثْنَا, la prière de la nuit c'est 2 raka'a par 2 raka'a. Donc quand elle a dit 4 et 3, c'est à dire 2 et 2 puis 2 et 2 puis 2 et 1, mais parce qu'il y avait des pauses entre les quatre premières et les suivantes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les prières de Tarawih, les prières des pauses, entre guillemets, parce qu'elles sont tellement longues que toutes les quatre raka'a ont fait une pause. Et les sahaba aussi faisaient ça, les sahaba et les tabi'in, ils ont continué ça, c'est-à-dire qu'au bout de quatre raka'a, ils faisaient une pause. Bon, nous le soir, on ne la fait pas, parce que nous, c'est un Tarawih d'été en France, quoi. Voilà, light. Donc les prières du Tarawih, qu'est-ce qu'on peut dire encore dessus ? C'est que c'est bel et bien la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est important de le savoir parce que des gens, ils remettent en question le caractère sunna du Tarawih. Et ça, la réalité, c'est que, je vous le dis clair et net, si vous voyez quelqu'un sur internet, il dit « Ouais, les Tarawih, en fait, c'est pas une sunna, ouais, en fait... » Il commence à tourner autour de ça, c'est un chiri. Je cherchais même pas... Me dites pas, ouais, mais il dit le Bukhari, c'est un chiite, c'est un chiite. Il n'y a que les chiites qui ne reconnaissent pas cette chose-là. Tout Ahl Sunna, ils recommandent Tarawih, ils reconnaissent Tarawih. Ce n'est pas du tout un sujet de débat dans le fiqh musulman. Le seul sujet à débat entre les quatre imams, c'est de savoir est-ce que quand il y a le tarawih à la mosquée, et j'ai prié l'Isha à la mosquée, et par exemple, moi, je connais le Coran par cœur et je sais bien le réciter. Est-ce que le mieux, c'est de prier Tarawih avec l'imam ou de rentrer chez moi et prier tout seul? Certains imams, si je ne me trompe pas, c'est Shafi'i, ils disent c'est mieux de prier tout seul chez toi dans ce cas-là. Pas pour n'importe quel musulman, pour celui qui maîtrise le Coran. Ils disent pourquoi? Parce que bah, la prière à la maison, c'est toujours mieux que, dans les prières surérogatoires, c'est toujours mieux que la prière avec, devant les autres, à la mosquée. En fait, ils parlent d'un asl, ce asl qui est, je pense que vous connaissez tous ce principe qui est, les prières surérogatoires ont plus de valeur à la maison qu'à la mosquée. Donc ils ont appliqué ça jusqu'au tarawih. Ça oui, ça c'est, si vous entendez quelqu'un discuter de ça, na'am, ça c'est un sujet qui existe. C'est une divergence qui existe. Et la majeure partie des ulama, ils disent clairement que le mieux c'est de prier le tarawih avec l'imam, qui que tu sois. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas faire mieux qu'Omar, tu ne pourras pas faire mieux que les sahaba. Radiallahu anhum. Or, tous, ils venaient prier au tarawih. Ils ne se défilaient pas du tarawih, malgré que c'était des ulamas, c'était des qurras. Et pourtant, ils venaient, ils ne disaient pas non, on va prier seul à la fin de la nuit, c'est mieux. Ils priaient au début de la nuit, derrière l'imam. Donc ça prouve que c'est mieux. En plus, tu es avec la jama'a, donc, et tu fais revivre cette sharira, c'est-à-dire ce grand signe religieux, ce grand symbole religieux. Par contre, dire, ouais, en fait, tarawih, ça n'existe pas dans l'islam, c'est pas sunna, vous ne vous cassez même pas la tête. Si vous voyez quelqu'un dire ça, et changer de page et éteindre tout de suite. Mais quand même, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, première étape, on va dire, admettons qu'il n'a pas prié le tarawih, admettons. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat ad-duha? La réponse c'est quoi? Non, il ne la faisait pas. Est-ce qu'il faisait Sriyam ou Daoud, le jeûne de Daoud? Non. Donc est-ce que c'est pas des sunan? La sunna, elle peut être affirmée par quoi? Est-ce que le prophète, voilà, un autre exemple encore plus clair, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la umrah pendant Ramadan? Pourtant, c'est pas recommandé, plus que le reste du temps. Le prophète, il n'a pas fait la umrah pendant Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fait 4 umrah, toutes dans Dhul Qi'da. C'est facile à retenir. Il a fait 4 umrah, toutes dans le mois de Dhul Qi'da, avant Dhul Hijja. Alors on dit c'est pas sunna de faire la Ramadan pendant Ramadan. La réponse à ça c'est que la sunna, comment on l'affirme? De deux façons, soit par les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois il peut instaurer une sunna sans la faire lui-même pour une raison ou pour une autre. Comme c'était le cas de Salat al-Duha, Siyam ou Daoud, Al-Umrah fi Ramadan. Tout ça c'est des choses qu'il a recommandées, pourtant lui-même il ne les a pas faites. Pour certaines raisons. Donc, en admettant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait les prières du tarawih, est-ce qu'il n'a pas dit man qama ramadan imanan wahtisab? Est-ce qu'il n'a pas dit man qama ma'al imam? Les deux hadiths qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, il l'a instauré oralement. Deuxième chose, en vérité, il l'a instauré aussi par les actes. Parce qu'il y a deux hadiths qui montrent ça, le hadith de Aïcha et le hadith de Abu Dhar, qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Donc est-ce qu'il parle de la même année ou plusieurs années différentes, il l'a fait, Allahu a'lam. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a prié, les gens se sont mis derrière lui, et il a réitéré ça pendant plusieurs nuits. Et à la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Et le lendemain, il leur a dit, j'ai su que vous êtes venus pour prier, mais je craignais qu'Allah ne le rende obligatoire. Il avait peur que s'il prie tarawih tous les jours, Allah en fasse une prière obligatoire. Donc comme il était compatissant envers sa communauté, il a préféré arrêter de le faire et prier chez lui. Et donc il laissait les gens prier, chacun soit tout seul, l'autre avec sa femme, l'autre avec 10 personnes, l'autre avec sa famille, etc. C'est comme ça que les gens priaient. Mais le tarawih, il l'a bel et bien instauré, il l'a bel et bien fait. C'est-à-dire prier seul en tant qu'imam, ou plutôt prier en tant qu'imam à la mosquée, avec tout le monde derrière soi en un seul groupe. C'est ça le tarawih. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Ben il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté de le faire? Parce qu'il a craint que ça devienne obligatoire. Donc Omar, à l'époque d'Abu Bakr, Abu Bakr n'a pas réinstauré le tarawih. Puis Omar ibn al-Khattab, un jour il est sorti, une nuit plutôt, pendant Ramadan. C'est un tabi'i qui rapporte ça, qui était avec lui à ce moment-là. Et c'était quelques années après le début de son califat. Et quand Omar il a vu les gens en groupe, C'est-à-dire que chacun priait soit tout seul, soit avec 10 personnes, soit à deux, etc. Il a dit, si je réunissais tous ces gens derrière un seul imam. Et donc il a dit à Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, de faire l'imam, et tous les gens ont prié derrière lui, et donc il a instauré les prières du Tarawih. Au point où, une autre nuit, quand il a vu ça, ça l'a émerveillé, et il a dit, ni'matil bid'atu hadhi, quelle bonne bid'a que cette chose-là, quelle bonne innovation que cette chose-là. Mais est-ce que Omar, il a réellement inventé le Tarawih, ou il l'a réinstauré? Il l'a réinstauré, parce qu'à l'époque de Omar, il n'y a plus cette crainte que le Tarawih devienne obligatoire, puisqu'il n'y a plus la révélation. Donc en fait, il n'a fait que faire revivre ce que le prophète a pratiqué et aurait aimé continuer, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait qu'il ait dit « ni'matul bid'atu hadhihi », ici le mot « bid'a », on va le prendre comment? Pas dans son sens religieux, c'est impossible. Ça ne peut pas être une bid'a, la bid'a dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « kullu bid'atin dalala », toute bid'a est un égarement. Et Omar, il va dire ni'matul bid'a, c'est illogique. C'est bid'a dans le sens, dans un sens nisbi, relatif. C'est-à-dire par rapport à l'année d'avant, est-ce qu'il y avait eu ça? Non. Donc ni'matul, quelle bonne chose nouvelle. Mais pas quelle bonne chose nouvelle dans la religion. Dans la religion, c'est pas nouveau, comme on vient de l'expliquer. Ensuite, les prières du Tarawih, quel est leur nombre et quelles sont ces règles? Donc les règles, il n'y a pas vraiment de règles précises comme je vous ai expliqué. Par contre, le nombre, ça aussi c'est un sujet, parfois vous pouvez tomber sur certaines paroles, ou même si nous en France on n'est pas concerné parce que tout le monde fait 11 raka'a, mais quand par exemple un jour, Inch'Allah, je vous souhaite de faire la Umrah pendant Ramadan, vous allez prier à Médine ou à la Mecque et l'imam il fait 23 raka'at. Et là-bas vous allez voir des gens, pourtant subhanallah, c'est ce qui est fou, moi je l'ai vécu ça pendant des années. Les ulama là-bas, ils en parlent, et ils en reparlent, et ils en surparlent. Et pourtant, les jeunes, ils sont bornés comme ça, et ils croient qu'ils ont tout compris. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand l'imam, il fait 10 raka'a, ils s'en vont. Et des fois, ils sont devant la mosquée, ils discutent. Parce que eux, c'est Ahl Sunnah. Eux, ils ont tout compris, eux. Eux, ils suivent vraiment les salafs. Eux, ils ont tout compris à la religion. Sur quoi ils se basent pour faire ça? Sur le hadith de Aïcha, le même que celui dont on parlait tout à l'heure, qui a dit... ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان وغير رمضان على 11 ركعة. Elle a dit le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait jamais plus de 11 ركعة, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Donc, eux, ils ont pris le hadith avec une compréhension nouvelle dans laquelle personne ne les a précédés pour dire ça prouve que c'est interdit de faire plus de 11 ركعة. Pourtant, Aïcha, radiallahu anha, elle n'a fait que décrire l'habitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'habitude du prophète, c'était de ne pas dépasser 11. Mais est-ce qu'il a interdit de faire plus de 11? Dans un hadith, un homme vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il interroge sur salatul layl. Et il lui dit, salatul layli mathna mathna, fa idha khashita al-fajr, fa awtir bi wahida. Il lui a dit, la prière de la nuit, c'est mathna mathna, c'est-à-dire deux raka'a par deux raka'a, et quand tu crains l'arrivée de l'aube, fais le witr en une raka'a. Alors pourquoi il lui a pas dit, en plus là on comprend, quand tu crains l'arrivée de l'aube, c'est-à-dire que l'aube il va prier, donc pourquoi il lui a pas dit, ça aurait été plus facile de lui dire, quand tu arrives à 10 fais une, si vraiment c'était interdit. Donc déjà il y a un hadith qui balaye cette compréhension. Deuxième chose, on revient toujours à ce truc que je vous disais tout à l'heure. On a la sunna, mais on a aussi Sabilul Mu'minin, le chemin des croyants. Le chemin des croyants, il nous fait comprendre la sunna. Comme la sunna, elle nous fait comprendre le Coran. C'est quoi Sabilul Mu'minin? Ben Omar ibn al-Khattab lui-même, celui qui a réinstauré Tarawih, il ne priait pas 11 raka'a. Au début, il faisait 11, et à la fin de son califat, il faisait 23. Pourquoi? Parce que il a vu que c'était plus facile pour les gens de faire plus de raka'at, mais avec des raka'at qui étaient plus courtes. Donc au lieu de faire 11 longues, il a dit on va faire 23 un peu plus courtes. Ali, radiallahu anhu, à son époque, s'est rapporté que le tarawih était en 23 raka'at. Aïcha, dans le califat de Omar, elle était vivante ou pas? Alors pourquoi Aïcha, radiallahu anhu, c'est elle qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dépassait jamais 11 raka'at. Donc pourquoi elle n'a pas dit Omar, tu es en train de te tromper, c'est interdit de dépasser 11. Ça prouve qu'elle-même, elle n'a pas compris de son hadith qu'elle a dit, elle n'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser 11. Sinon, elle l'aurait dit. Est-ce que Aïcha, elle était du genre à se taire quand un sahabi se trompait? Aïcha, elle a fait des reproches à plein de sahaba sur plein de questions. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Amr. À plein, elle disait Akhta'a, Kazaba, etc., etc. Donc, elle n'aurait pas dit à Omar, Rif, t'as pas le droit de dépasser 11. Elle-même qui a rapporté le hadith, elle n'a pas compris ça. Et nous, on vient à 1400 ans après, on a mieux compris qu'elle et que les sahaba, radiallahu anhu. Ajib. Au nom de la salafia, c'est ça qui tue. Parce que la salafia, c'est suivre les salafs. L'imam Malik, il disait, rahimahullah, At-tarawih 39 rak'a fi hadha al-balad mundu akthara min 100 am. Qu'est-ce que tu vas dire là? Il disait, rahimahullah, le tarawih, c'est 39 rak'a ici depuis plus de 100 ans. Ici, c'est où? À Médine. L'imam Malik, rahimahullah, il est né en 96. Il est mort, si je ne me trompe pas, bon, j'ai oublié, pour faire le malin. À peu près en 170. Il a vécu à peu près 87 ans. Il est mort à peu près en 170, quelque chose comme ça. Donc, quand il dit plus de 100 ans, ça remonte aux années 50, 60 de l'Hégire. C'est-à-dire à l'époque où, l'époque des derniers Sahaba, à l'époque des grands tabi'is. Et il dit, à cette époque, le tarawih était 39 rak'a. Donc, eux tous, ils ne savaient pas qu'on n'avait pas le droit de dépasser 11. Et les gens de Mecca, le tarawih, il a toujours été chez eux de 23. Eux tous, ils ne savaient pas qu'on n'avait pas le droit de dépasser 11. Et les quatre imams après, et les quatre madhahib, tous, ils se sont trompés. Et ils ont zappé qu'on n'avait pas le droit de dépasser 11. Ajib. Et subhanallah, moi, quand j'étais là-bas, je vous dis, il y avait des groupes entiers de gens qui quittaient le tarawih. Mais quand on dit des gens, c'est-à-dire les gens en apparence, c'était bien sûr avec la barbe, c'était des étudiants de l'université islamique et tout. Pourquoi? Parce que, voilà, ils ont lu le hadith. Aïcha a dit qu'il ne faut pas dépasser 11. Eh ben, ou plutôt, il n'a jamais dépassé 11. Donc, il ne faut pas dépasser 11. Point barre, nous, on a tout compris. Et il ne se dit même pas, bah, l'imam, il fait 23. On respecte ce khilaf. On prie derrière lui. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait quand Uthman, quand il a dirigé le hajj, et qu'à Arafat, il a prié 4 raka'a au lieu de 2. Personne n'avait jamais fait ça avant lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié 2. Abu Bakr 2, Omar 2, et Uthman, il a fait 4. Les savants, ils ont discuté sur ce sujet. Pourquoi il a fait 4 et quelles excuses on peut lui trouver? Mais dans tous les cas, il n'y a pas de doute que ce n'est pas la sunna. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Imaginez-vous, genre c'est une moussiba que Omar il fasse 4 au lieu de 2. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a prié 4 derrière lui. Quand il a dit pourquoi, il a dit El khilaf ou char. Diverger, c'est pas bon. Donc admettons que toi tu dis il faut pas faire plus de 11. Mais là, t'es derrière l'imam, il fait 23. C'est quand même un avis qui existe jusqu'à la preuve. Ben, fait 23 derrière lui. C'est pour ça que certains savants là-bas, ils disaient comme fatwa, quand on les interrogeait, ça je l'ai entendu de mes oreilles, quand on leur disait, ouais, il y a des gens qui ils disent on n'a pas le droit de faire 11, plus de 11, etc. Il n'y a même pas rentré dans le débat. C'était le Sheikh Salih Al-Fawzan. Il a dit, Hadha udhrul kusala. Voilà. Il a dit, ça c'est l'excuse des paresseux, c'est tout. Il n'est même pas rentré dans le débat. Parce qu'il n'y a aucune excuse. Même si tu considères vraiment, tu es convaincu que tu n'as pas le droit de dépasser 11, ben normalement tu te plies à l'imam derrière lequel tu es en train de prier. Bref, et au niveau des quatre madhahib, Abu Hanifa rahimahullah, il conseillait le tarawih en 11 raka'a, l'imam Malik en 39 et Ahmed al-Shafi'i en 23. Pourquoi l'imam Ahmed il conseillait le tarawih en 23 alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait 11? Parce que l'imam Ahmed il donnait une grande importance à ce que faisaient les sahaba et ce que faisaient tous les sahaba. Or là il disait Omar ibn al-Khattab, qui fait partie de Al-Khulafa al-Rashidi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa al-Rashidi ». Il priait 23 raka'at. Et tous les sahaba, avec Uthman, avec Ali, avec Aïcha, avec Abdullah ibn Omar, ibn Mas'ud, si ibn Mas'ud n'était pas déjà en Irak, avec Anas ibn Malik, avec Abu Huraira, avec ibn Abbas, ils étaient tous là et ils faisaient les 23. Donc l'imam Ahmed, il a accorder un grand poids à ça. Au fait de dire, voilà, c'est ça la sunna du Tarawih. Et ils l'ont toujours pratiqué de cette façon. Donc la sunna, c'est 23. Celui qui veut faire moins, il a le droit. Et celui qui veut faire plus, il a le droit. Mais lui, il recommandait que ce soit 23 raka'at. Ensuite, il a cité également dans les... Donc on a fini pour le sujet des Tarawih. Rapidement, il a cité le fait que... Il a parlé de tabaqat us-sa'imin, le fait que les jeûneurs, les vrais jeûneurs, ils sont en deux degrés. Et il a dit le premier degré, c'est celui qui arrête de boire, de manger, etc. par espoir qu'Allah lui donne quelque chose de meilleur en échange. Donc ça, c'est louable. Et c'est un degré qui est bon. Mais il y a un degré qui est au-dessus. Et il dit, je vais vous le lire en arabe, il dit « Man yasumu fi dunya amma siwallah » Il dit c'est celui qui jeûne de la dunya. C'est-à-dire c'est pas qu'il s'abstient de boire et de manger, c'est qu'il s'abstient de la dunya carrément. Et de tout ce qui est autre qu'Allah. Ça nous renvoie aux zuhd qu'on avait vu dans les cours du dimanche. C'est-à-dire tout ce dont il n'a pas besoin pour sa vie future, il s'en passe. Et ça c'est le jeûneur, le top, le plus grand jeûneur, le plus grand degré du jeûneur. Alors il protège son regard, il protège sa langue, il protège son ventre. Il se rappelle de la mort et il ne veut que l'au-delà. Donc il délaisse les parures de la vie présente pour, en espérant, l'au-delà et la vision d'Allah. Et il dit lui son Eid, ça c'est Ibn Rajab qui parle en fait, rahimallah, il dit lui son Eid, c'est le jour où il rencontrera Allah. Et son Farah, c'est le jour où il rencontrera Allah. Et en fait, ça fait référence au hadith qui dit, le jeûneur il a deux joies, quand il rompt son jeûne et quand il rencontre Allah. Donc lui, il dit, celui-là qui a ce degré, sa joie, c'est quand il rencontre Allah. Et son Eid, c'est quand il verra Allah. Al-Mabhath al-Thamina Ashar, c'était Makruhat al-Siyam. Le 18e chapitre, c'était les choses qui sont déconseillées aux jeûneurs. Mais on ne va pas le faire, pourquoi? Parce que, en vérité, tout ce qu'il y a dedans, on l'a déjà dit, quelque part. On l'a déjà dit. Et Al-Tasi'a Ashar, Mubahat al-Siyam. Et le 19e, c'est les choses qui sont permises aux jeûneurs. Et pareil, la plupart de ces choses, on les a dites. Donc on va seulement en souligner quelques-unes. La première, c'est « As-sa'imu yusbihu junuban ». Il est permis au jeûneur d'être junub alors que le fajr est passé. Par exemple, quelqu'un, il est junub la nuit. Parce qu'il a eu un rapport avec sa femme. Après, il dort, par exemple. Il se lève, il prend suhur. Il arrête le suhur et arrive l'heure du fajr. Est-ce que c'est un problème le fait qu'il soit junoub et que la journée a commencé? Non, ça n'a aucun rapport avec son jeûne. Il peut, et bien sûr, après il fait le rousse pour faire la prière, mais ça n'influe nullement sur son jeûne et sa validité. Et à ce sujet, il y a un hadith de Salama et un hadith de Aïcha radiallahu anhuma qui disait que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait. C'est-à-dire que parfois, il était junoub alors que déjà le fajr était levé. Et il jeûnait malgré ça. Autre chose, c'est tadawwuqu at-ta'am li haja, le fait de goûter la nourriture en cas de besoin. Comme pour les femmes, par exemple, pour être sûr que ce soit pas trop salé, etc., que c'est bien cuit, il est permis de goûter, à condition qu'on n'avale pas la nourriture. Ça, c'est rapporté clairement de Abdullah ibn Abbas. Et aussi le fait de se rincer la bouche, se rincer le nez, se verser de l'eau sur la tête, prendre une douche, toutes ces choses-là également, elles sont permises. المبحث العشرون le 20e chapitre c'est القضاء أحكام القضاء. القضاء, on avait dit, c'est rattraper le jeûne, mais rattraper le jeûne, ça soulève certains sujets, certaines règles qu'on va voir ici. Donc déjà القضاء, est-ce qu'on parle d'un jeûne, ou plutôt est-ce qu'on parle du fait d'avoir rompu le jeûne avec une excuse ou sans excuse? Déjà, il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que si c'est sans excuse, quelqu'un en plein Ramadan, il dit, bah non, aujourd'hui, je mange. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il doit demander pardon à Allah, se repentir et faire le qada. Mais lui, il n'a pas le choix de faire le qada jusqu'à Ramadan prochain. Dès que l'Aïd termine, le lendemain, il fait le qada. Al al-fawr, comme on dit. Il le fait de façon précipitée. Alors que celui qui le fait pour une excuse, dans les excuses qu'on avait étudiées, qu'est-ce qu'Allah a dit? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Le même nombre d'autres jours, c'est-à-dire en dehors de de Ramadan tant qu'il ne dépasse pas Ramadan suivant, comme on va le voir par la suite. Ensuite, est-ce que il doit faire tous ses jours d'affilée ou est-ce qu'il peut les séparer? Il peut les séparer. Même si le mieux, on lui recommande de les faire les uns à la suite. Pourquoi? Pour s'en débarrasser le plus vite possible, pour être sûr de ne pas mourir avant, par exemple, ou de ne pas oublier le nombre de jours. Également, donc le qada, on a dit, on peut le retarder jusqu'à Sha'ban. Mais on n'a pas le droit d'arriver à l'autre Ramadan sans avoir rattrapé ses jours de qada. Sauf dans quel cas, à votre avis? Bah, plus généralement que malade, elle uzr. Par exemple, il voyage pendant un an. Bah, pendant cette année, continuellement il est en voyage, bah, il n'est pas obligé de faire son qada. Il peut dire, quand mon voyage sera terminé, je fais le qada, même si je dépasse le ramadan d'après, même le ramadan encore après. Ou alors il est malade, par exemple. S'il est malade, eh bien, il n'a pas le qada. Comme déjà la base, elle lui était pas obligatoire, alors le qada encore moins. Donc s'il est malade toute l'année, là il peut repousser le qada jusqu'au ramadan suivant ou après le ramadan suivant. Ou alors une femme par exemple qui était enceinte, après elle allait. Donc déjà elle est enceinte, après elle a le nifas, après elle allait. Et à chaque fois c'est difficile pour elle de jeûner. Quitte à ce qu'elle arrive au ramadan suivant, il n'y a pas de mal. Par contre, celui qui arrive au ramadan suivant sans excuse et il n'a pas fait le qada, il doit rajouter au qada al-it'am. Donc par exemple, quelqu'un était malade, il a raté 5 jours de jeûne. L'Aïd est passé, il a toute l'année tranquille pour faire le qada, il ne le fait pas. Sans excuse. Ramadan suivant arrive. Il attend la fin de ce deuxième ramadan et il fait son qada dans l'année d'après. Mais en plus, pour chacun de ses jours, il nourrit un pauvre. Donc il doit faire 5 jours de qada et 5 fidya, 5 it'am. Ça c'est rapporté non pas dans un hadith, mais c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas et de Abu Huraira radiallahu anhum, et c'est l'avis de la grande majorité des fuqaha. Et s'il fait pas? Allahu a'lam. Bah, il a pas fait ce qu'il faut, quoi. Tout simplement. Maintenant, une autre question. S'il meurt avant d'avoir fait le qada, si il a pas fait le qada avec une excuse, comme on a dit, alors c'est tout. Il n'y a rien à se reprocher et ses héritiers ils n'ont rien à faire. La question elle est, s'il meurt, donc par exemple le ramadan est terminé, il a 5 jours à rattraper, donc Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, il meurt en Safar par exemple, donc il avait jusqu'à maintenant il a eu 4 mois pour rattraper son jeûne et il ne l'a pas fait, sans excuse. Alors quand il s'agit du jeûne de ramadan, son wali, c'est-à-dire une personne de sa famille, il lui est recommandé, c'est pas obligatoire, non pas de jeûner pour lui, mais de nourrir un pauvre pour chacun des jours qu'il devait faire. Et là, ce que je vous dis, c'est contraire à ce que le shir dit dans le livre. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un hadith qui est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, qui dit, suivez bien, là, il faut vous concentrer un petit peu. Man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu. Celui qui meurt alors qu'il devait du jeûne, c'est-à-dire qu'il devait du jeûne à Allah, son wali, c'est-à-dire une personne de sa famille, jeûne pour lui. Est-ce qu'il a dit il donne à manger? Il a dit il jeûne. Est-ce qu'il a dit ça dépend quel jeûne, si c'est Ramadan ou autre chose? Non. Parce que le jeûne, il peut être obligatoire par Ramadan, mais comment également? Un nadr. S'il dit alayya siyamu arba'ati ayyam. Alayya lillah, il dit j'ai le devoir pour Allah de jeûner 4 jours. Ça s'appelle un nadr. Quand il dit ça, il est obligé maintenant de jeûner 4 jours. Le hadith, il ne fait pas de différence. Donc si on prend le hadith tel quel, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que celui qui meurt alors qu'il devait faire du qada de Ramadan et il ne l'a pas fait sans excuse, son wali, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Si on prend le hadith, jeûner pour lui. Et ça, c'est l'avis dans les fuqaha de Abu Thawr, rahimahullah. Abu Thawr, c'était un faqih de l'époque de l'imam Ahmed. Et à notre époque, c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Donc c'est l'avis que le Cheikh a cité dans son livre. Cependant, la majeure partie des savants, dont l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres, ils faisaient la différence entre le nadr et le qada de Ramadan. Et ils disaient, si c'est un nadr, son wali, il jeûne pour lui, comme c'est écrit dans le hadith. Et si c'est qada Ramadan, il donne à manger pour lui, pour chaque jour. Pourtant, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith, il est clair ou il n'est pas clair? Il est clair. Alors pourquoi ils se sont permis de faire cette différence? Parce que Ibn Abbas et Aïcha, ils disaient ça. Ils disaient que si c'est un nadr, quelqu'un de sa famille doit jeûner pour lui. Mais si c'est Ramadan, alors personne ne peut jeûner pour lui. Il faut donner à manger à sa place. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, ici, il a expliqué le hadith par les paroles de Ibn Abbas et Aïcha. Alors que ceux qui vous disent, ceux qui disent que non, dans tous les cas, ils jeûnent, eux, comment ils vont voir ça, à votre avis? Ils vont voir ça comme une contradiction. Le Cheikh Ibn Baz, par exemple, rahimahullah, son avis, c'est de dire, le hadith, il est clair. Le hadith, il dit, celui qui devait jeûner, s'il meurt, son wali, il jeûne pour lui. Donc, ce que Ibn Abbas et Aïcha ont dit, ça contredit le hadith. Donc, nous, on est censé suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Aïcha Ibn Abbas. L'imam Ahmed, c'est une autre façon de voir la question. Il ne voit pas ça comme une contradiction. Il voit ça comme une explication. C'est-à-dire que le hadith, il est général. Mais quand on regarde ce que faisaient les salafs, ça nous montre qu'il n'est pas si général que ça. Et qu'en vérité, il concerne seulement un nadr. Donc c'est une façon de comprendre la sunna à la lumière de la compréhension des salafs, c'est-à-dire des sahaba, radiallahu anhum. Donc c'est pour ça que la plupart des savants ont dit ça. La majorité, la grande majorité des fuqaha, ils ont dit ça. C'est que pour qada Ramadan, on donne à manger pour lui. On ne jeûne pas à sa place. Et enfin, celui des quatre imams qui a dit « on fait rien », c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a dit « ni on rattrape, ni on donne à manger pour lui », si je ne me trompe pas. Ensuite, la fameuse question de « Al-Qada qabla al-Tatawwa ». Ça, c'est une question qui revient tous les ans, mais c'est une question qui est assez large. C'est plus une question de précaution qu'autre chose. Est-ce que je peux jeûner, accomplir un jeûne surérogatoire, comme par exemple les 6 jours de Shawwal, sachant que je n'ai pas encore rattrapé le qada? Ça, c'est une question à divergence, mais la divergence, elle est assez large. C'est-à-dire, celui qui veut la sûreté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le qada avant tout. Mais en réalité, quand on y regarde, il n'y a pas de texte clair qui nous interdit d'accomplir un jeûne surérogatoire avant le qada. Puisque le qada, on sait clairement dans les textes qu'on a le droit de le repousser jusqu'au Ramadan suivant. Donc c'est un fard qui est muwassa', c'est-à-dire c'est une obligation dont le temps il est large. Donc quelque part on peut dire il n'y a pas de mal à jeûner lundi, jeudi, et puis la personne elle se dit par exemple quand ça sera l'hiver, les jours ils seront plus petits, je ferai mon qada de Ramadan, mais là je reprends mon habitude de jeûner lundi, par exemple. Donc il n'y a pas de mal, mais la sûreté c'est de faire le qada le plus vite possible. Une dernière question, non il y a deux dernières questions. L'avant-dernière c'est le cas de celui, ça aussi ça revient tous les ans, le cas de celui qui va manger, donc on est dans la journée. Lui saoule lui. Le cas de, retenez bien ce que je vais vous dire. On est dans la journée. Donc la base, c'est baqa un nahar. C'est que c'est toujours le jour. Jusqu'à la preuve du contraire. Du contraire, qu'est-ce que je veux dire par le contraire? La nuit. Le jour et la... Quand on est dans la journée, la base c'est quoi? C'est que c'est la journée. Pour que ce soit la nuit, il me faut une certitude. Ou ralabatou dhan, que je sois presque sûr. Pourquoi je dis presque sûr? Parce que quand tu regardes le maghrib sur le calendrier, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as vu le soleil se coucher? Mais tu es quasi sûr. Tu peux te baser sur ça. Parce que c'est censé être des gens de confiance, c'est des choses qui sont calculées, qui sont précises, etc. Donc imaginez-vous que quelqu'un, il mange en pensant que le soleil s'est couché. Et après, il se rend compte qu'il s'est trompé. On en a parlé de cette question la semaine dernière, mais là, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Parce que ce que je vous ai dit l'an passé, c'est ce que j'ai toujours dit, toujours cru. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Mais, en révisant un peu la question, bon bref, vous allez voir ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine passée? Si quelqu'un, il regarde le calendrier, et c'est écrit « Ames, le Maghreb est à 21h55 ». 55, il mange. Après, il se rend compte qu'il a lu Metz au lieu de lire Lille. Et Lille, c'était 58. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, le khata. C'est une erreur. Donc, il n'y a pas de mal. Son jeûne, il est. Bien sûr, s'il s'en rend compte au moment même, il arrête de manger. Mais son jeûne, il est valable. Ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et en révisant la question, je me suis rappelé que c'était un avis très minoritaire. C'est pas la sécurité de faire ça. Et c'est pas semblable au hadith qui dit celui qui oublie. C'est deux choses différentes. On a l'oubli et on a le khata. Pourquoi est-ce qu'ils font une différence entre ces deux choses? Ils disent celui qui oublie, quelque part, ben voilà, c'est comme si on l'avait forcé à manger. Par contre, celui qui est contraint, il y a quand même un manque, il y a quand même une erreur de sa part. Il y a quand même un manquement qui vient de sa part. Donc c'est pas comme si on l'avait forcé. Or, eh bien, il s'est pas abstenu de manger et de boire du fajr jusqu'au mardi. Donc ce jour, il doit le rattraper. Chez la grande majorité des ulama. Est-ce qu'il rentre dans la catégorie de personnes justement où il se fait... Non, justement. Au niveau du péché, il n'y a pas de péché. Il s'est trompé. Mais il doit faire le qada. Et ça, c'est ce que prononçait Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, et l'Ijnat Da'ima, le conseil de l'Ifta. Dans tous les cas, c'est plus sûr. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit. C'est parce que c'est plus sûr de faire ça. Et ça ne coûte rien de rattraper un jour de jeûne. Surtout quand c'est l'hiver, par exemple, c'est facile. Ça ne coûte rien de rattraper un jour de jeûne. Al-Sheikh al-Uthaymin, si jamais vous lisez ses livres, lui, il est de l'avis d'Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ton jeûne, il est valable. Et tu n'as pas de jour à rattraper. Pardon ? Al-taqayyu' amdan. Non, parce que taqayyu' c'est pas une... On avait dit al-taqayyu' quand c'est pas amdan, ça casse pas le jeûne déjà, à la base. Donc déjà, ça casse même pas le jeûne. Ça rentrerait s'il le fait volontairement. Parce que ça, on avait dit que ça roule le jeûne. Maintenant, autre cas de figure. Il est dans la journée... Et il n'est pas sûr que le Maghreb y soit arrivé. Et il mange. Là, est-ce qu'il y a une divergence? Là, il y a une différence entre les deux. Dans la première, il croit que c'est le Maghreb. Dans la deuxième, il doute que c'est le Maghreb. Il n'a pas le droit de se baser sur un doute pour enlever la certitude. C'est quoi la certitude dont je parle? C'est que c'est la journée. Il a le droit de passer à autre chose qu'avec une autre certitude ou une quasi-certitude. C'est-à-dire en regardant le calendrier ou en voyant le soleil, ou quelqu'un de confiance lui dit le soleil s'est couché. Mais comme ça, en n'étant pas sûr, puis il dit bon, allez, c'est rien, je mange. Je suis pas sûr, mais je mange. Là, il n'y a aucun doute, son jeûne, il est rompu. On prend le contraire, on est la nuit. Donc je mange, mange, mange. Donc 3h44, je mange, mange, mange. Une fois que je suis sûr que c'est le fajr. Il m'est interdit de manger. Si je continue à manger, mon jeûne, il n'y a aucun problème qu'il est rompu. Maintenant, je pense que ce n'est pas encore le fajr. Je crois que ce n'est pas encore le fajr et je continue de manger. Après, je me rends compte que j'ai dépassé le fajr. C'est le même cas que celui qui croit que c'est le maghrib et qui se met à manger. C'est-à-dire qu'il n'a pas commis un péché, mais il s'est trompé et il doit rattraper ce jour de jeûne. Il doit continuer à jeûner pendant la journée. Ah bien sûr, il continue. La totale quoi. Il continue de jeûner et en plus il rattrape. La dernière question c'était sur celui qui s'évanouit. Donc là vous faites celui qui est évanoui pendant la journée de Ramadan au point où il est évanoui avant le fajr et il se réveille après le maghrib. C'est-à-dire toute la journée il l'a passé évanoui. Donc là on va faire la différence entre trois cas de figure. C'est celui qui dort, al-na'im, al-majnoun, celui qui est mejnoun, quoi, qui est fou, quelle que soit la raison. Et troisièmement, al-mourma alay, celui qui s'est évanoui. Il y a une différence entre chacun de ces cas. Al-na'im, celui qui dort. S'il avait bel et bien l'intention de jeûner avant le fajr, et il s'endort avant le fajr, et il se réveille après le maghrib, son jeûne il est sahih. Pourquoi? Parce que le na'im, il est considéré comme mukallaf dans l'islam. C'est-à-dire, il est considéré comme responsable. Donc son jeûne, il est valable. Et dans d'autres... peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de dire ça. Dans d'autres sujets, on voit que al-na'im, il est considéré comme responsable. Ce n'est pas comme celui qui s'évanouit. C'est pourquoi, par exemple, celui qui s'évanouit pendant longtemps, le coma pendant plusieurs jours, est-ce qu'on lui dit de rattraper ses prières quand il se réveille? Non. Celui qui dort et il rate trois prières, qu'est-ce qu'on lui dit? Il rattrape ses trois prières. Parce que le qalam, la plume, elle est toujours sur lui. C'est-à-dire qu'il est toujours mukallaf. L'autre, il n'était pas mukallaf. C'est-à-dire qu'il n'était pas responsable de ses prières quand il était évanoui. Il s'évanouit avant vol, il se réveille après l'asr. Il n'a pas été responsable de ce vol. Il ne lui est pas demandé. Donc il ne rattrape pas. Quand c'est par exemple 3-4 jours. Mais quand c'est que dhuhr comme ça, là il ressemble à celui qui dort, donc il la rattrape. Il le rattrape. Donc, premier cas de figure, an-na'im, celui qui dort. Il dort toute la journée, son jeûne il est valable. Pourquoi? Parce qu'il y a le niya et il y a l'imsek. Donc il remplit les conditions du jeûne. Maintenant, l'autre cas c'est al-majnoun. Donc il fait une crise de folie avant le fajr, et sa crise elle continue jusque après le maghrib. Il a perdu la raison toute la journée. Sachant qu'il voulait jeûner. C'est-à-dire que la nuit, il était déterminé à jeûner. Et là, il est devenu fou avant le fajr. Lui, on dit, son jeûne, il n'est pas valable, mais il n'a pas de qada. Donc son jeûne, il n'est pas valable. Parce qu'il n'y a pas de niya, et ça ne lui est même pas demandé à la base, en fait. Le mejnoun, il n'y a rien qui lui incombe. Donc cette journée de jeûne ne lui incombait même pas. Il n'avait pas à jeûner. C'est comme le cas du hajj. Le mejnoun, on ne lui dit pas de faire le hajj. Alors qu'à petit, est-ce qu'on lui dit de faire le hajj? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'emmène au hajj? On l'emmène. Un fou, on ne l'emmène pas. Ça ne sert à rien du tout. Un fou, est-ce qu'on lui dit de jeûner? Même si c'est possible qu'on l'arrête de manger et de boire. On ne lui dit pas de jeûner. Ça ne sert à rien et ça ne compte pas. Donc son jeûne, il ne compte pas. Et d'autant plus, il n'a pas à le rattraper. Si un jour il retrouve la raison et il retrouve la santé, il n'aura pas à rattraper ce jeûne. Donc c'est ça la différence entre lui et le mourma alay, celui qui s'évanouit. Celui qui s'évanouit avant le fajr et il se réveille après le maghrib. Lui, on lui dit que son jeûne n'est pas valable, donc c'est différent de celui qui dort, mais il doit faire le qada. Il doit le rattraper. Pourquoi? Parce que pendant cette journée, il était mukallaf. Il est majeur, il est doté, c'est-à-dire il est saint d'esprit, il est musulman, donc en vérité, il est mukallaf. Ce jour, cette date-là, elle lui incombe. Parce que quand cette date est passée, il était majeur, musulman, saint d'esprit. L'évanouissement, c'est quelque chose qui l'a empêché d'accomplir le jeûne, mais pas que le jeûne lui soit obligatoire. Alors que le junoun, la folie, ça n'empêche pas seulement d'accomplir le jeûne, ça empêche que le jeûne soit obligatoire. Donc, son jeûne, il n'est pas valable, parce qu'il n'y a pas de niya, et en plus de ça, il le rattrape. On aura terminé pour ça. Donc là, après, ce qui nous reste, c'est plus des choses comme le fait de parler des 10 dernières nuits, le fait de parler de Laylatul Qadr. Dans le livre, il parle aussi de Sawmut Tatawwu'. Si on a le temps, on le fera, sinon on fera ça un autre jour. C'est-à-dire plus tard dans l'année, c'est-à-dire le jeûne surérogatoire, le jeûne interdit, le jeûne déconseillé. Mais les principales règles qui concernent le jeûne de Ramadan, on les a faites. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.